Et moi, c'est tout ce que je déteste sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que voilà, vous arrivez, vous mettez à crier, vous filmez la scène en hurlant à la discrimination, tout ça pour gagner 3 abonnés sur TikTok. Je suis désolé, mais je trouve ça consternant. On triture nos pochetons, y'a pas de radio qui divulgue nos gros sons. On touche pas le fond, c'est juste que l'on donne pas de confiture aux cochons. Plus qu'un business, c'est un micmac dans une sale époque qui clash. Les parents sont fiers dans leur fille, montrer leur boule sur TikTok. C'est la culture du vide, la bêtise, si mis à tout va. Je veux pas être à la page, finir dans les papiers d'un Cyril Hanouna. Si mon silence est d'or, le vôtre vaut bien plus nulle cara. Ce monde est aussi crade que l'eau du bain de Ruby Nicara. Comme ça tu veux percer, photo à poil, a compris l'astuce. Un dépressif aurait de quoi se pendre sur son fil d'actu. Face à des commentaires du genre c'est comme tu perds ta graisse gros tas, pour qu'au final ça se cache derrière des filtres pour avoir l'air potable. Ouais. Un monde perdu où les complexes pullulent, où le film de nos vies se tourne dans un contexte plus nul. Si ça tenait qu'à moi, ça finirait en tas de cendres. Si les neurones étaient humains, beaucoup de cerveaux seraient des no man's land. Du buzz, les médias que se battent pour des ronds. On creuse, même après avoir touché le fond. C'est la culture du vide que nos minos fascinent. Ils veulent tous poser leur cul sur le trône de cette idiocratie. Du buzz, les médias que se battent pour des ronds. On creuse, même après avoir touché le fond. C'est la culture du vide que nos minos fascinent. Ils veulent tous poser leur cul sur le trône de cette idiocratie. J'suis pas de la nouvelle école, moi j'lâche des faces qui claquent, j'm'échappe. Mauvais élève, j'ai pas les codes de SCH ni Sky Shy. Dès que j'bouge l'élève, ma voile les cognes, donc laisse les lâches, les votes détale. Même ta pépette va tomber love. Des fois que mon rap des votes s'échappe. Depuis la mise au point, j'compte pas le nombre de ma charge, j'ai décroché. Mon flow a gardé la patate, et c'est pas pour faire leur télécrocher. Moi j'aime la liberté, mais dans ce milieu, t'as pas d'amis, rêve pas. Tu crois que t'es un artiste, mais t'es qu'une pub pour ma Galiberta. Les Salman ils perdent pas, tu fais de la merde, mais c'est la mode, oui. Et ça vendrait sa mère pour un bad buzz en top tweet. J'expose à ta rancœur, même si je sais que c'est pas vendeur. Normal, j'essaie de garder la tête sur les épaules, un peu comme Highlander. Du buzz, les médias que se battent pour des ronds. On creuse, même après avoir touché le fond. C'est la culture du vide que nos minos fascinent. Ils veulent tous poser leur cul sur le trône de cette idiocratie. Du buzz, les médias que se battent pour des ronds. On creuse, même après avoir touché le fond. C'est la culture du vide que nos minos fascinent. Ils veulent tous poser leur cul sur le trône de cette idiocratie. La confusion, les hommes, les femmes, ça part en vrille, c'est illogique. Tu sais, de nos jours, la galanterie, c'est misogyne. Les hommes se mesurent la bite, les femmes balancent leur porte. Tout le monde se crache dessus, même sans savoir qui est fautif. Chaque fois que je monte sur scène, t'inquiète, j'y mets les formes. Pendant que ça paye sa place 100 balles pour un playback derrière son téléphone, c'est ça le concept. A chaque rime ça turn up, mais quand l'autotune plante t'es ridicule comme un feed à Turner. Y'a ceux qui charbonnent, y'a ceux qui rêvent de style. T'encaisses plus de merde que les oreilles de Fred de Sky. Bienvenue dans cette idiocratie, y'a de quoi être décontenancé. Je fais partie de ceux à découvert tant que la bêtise sera récompensée. Du buzz, on creuse, on creuse. Du buzz, on creuse, on creuse. La télé, c'est C8, où on donne la parole à des types tellement cons que s'ils passaient leur journée à se compter les couilles, ils arriveraient pas deux fois au même compte.